Le récital poétique des agriculteurs et des membres de l'Union des travailleurs agricoles sous thème Ciel du soleil a eu lieu le Vide-Courant pour célébrer le 69e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée. Lee Il-fan, chef de département du comité central du Parti travail de Corée, des cadres intéressés et agriculteurs y ont assisté.